Lecteur, permettez que je revienne à Jacques et son maître. Jacques et son maître avaient atteint le gîte où ils avaient la nuit à passer. Le lendemain, Jacques se leva de grand matin, mit la tête à la fenêtre pour voir quel temps il faisait. Vit qu'il faisait un temps détestable, se recoucha. Jacques, son maître et les autres voyageurs qui s'étaient arrêtés au même gîte, crurent que le ciel s'éclaircirait sur le midi. Il n'en fut rien. Et la pluie de l'orage, ayant gonflé le ruisseau qui séparait le faubourg de la ville, au point qu'il eût été dangereux de le passer, tous ceux dans la route, conduisaient de ce côté, prirent le parti de perdre une journée et d'attendre. Les uns se mirent à causer, d'autres à aller et venir, et mettre le nez à la porte, à regarder le ciel, et à rentrer en jurant et frappant du pied. Plusieurs à politiquer et à boire, beaucoup à jouer, le reste à fumer, à dormir, à ne rien faire. Le maître dit à Jacques, « J'espère que Jacques va reprendre le récit de ses amours, et que le ciel, qui veut que j'ai la satisfaction d'en entendre la fin, nous retient ici par le mauvais temps. » Le ciel qui veut. On ne sait jamais ce que le ciel veut ou ne veut pas. Il n'en sait peut-être rien lui-même. J'entends, Jacques. Tu en étais au carrosse et au valet, à qui la doctoresse a dit d'ouvrir ton rideau et de te parler.